fazer moi. Quand on a rien à dire et du mal à se taire, on peut toujours aller gueuler dans un bistrot, parler de son voisin qui n'a pas fait la guerre, parler de comédienne et de Fidel Castro, parler, parler, parler, pour que l'air se déplace, pour montrer qu'on s'est livré et qu'on a des façons, parler de son ulcère ou bien des seins de glace, pour faire voir aux copains.